faut partir un jour, s'il faut partir demain, j'aurai eu ton amour, tu auras eu le mien. Et s'il faut quitter cette terre, s'il faut partir dans l'hiver, j'aurai gardé l'amitié qui rime bien avec aimer. J'aurai goûté aux saveurs de la vie. J'aurai goûté aux saveurs de la vie, aux saveurs de la vie. S'il faut partir un jour, partir, s'il faut s'envoler demain, s'envoler, j'aurai goûté aux choses qu'on savoure, c'est qu'on ne regrette pas le lendemain. J'aurais goûté aux saveurs de la vie. J'aurais goûté aux saveurs de la vie, aux saveurs de la vie. S'il faut partir un jour,